33. Le strains d'atterrissage. Messie Bugatti d'Auti est aujourd'hui le leader mondial de système d'atterrissage et de freinage aeronautics. Les origines de cette activité remontent en 1920 avec Georges Messier, pionnier des suspensions pneumatiques dont nous parlions à propos de la voiture exposée à côté. Georges Messier créa la Société Messier Automobile, avant de produire également du matériel d'aviation. Parmi les innovations les plus notables mises au point par Messier Bugatti d'Auti, citons l'introduction de l'acera 3 haute resistance dans les années 50, et l'utilisation du carbone in replacement de l'acer pour les frames dans les années 80. Devant vous se trouvent les strains d'atterrissage de 4 avions de transport commercial renommés. De gauche à droite, on trouve les strains de la Caravelle / du Concorde / de l'Airbus A300 / et enfin, de l'Airbus A320. Vous arrivez au terme de ce parcours. Mais avant de quitter le hangar aeronautique, prenez un pedeo terremontant sur la mezzanine, vous verrez des drones, et tout un ensemble de maquettes d'avions motorisés sparse à fran. Vous pourrez aussi jouer les pilotes de chasse en prenant place à bord du Mirage.